transition, une évolution. Une volonté de capitaliser sur mon expérience. Si Frex voyait ça, il serait horrifié. Un câble noyé sous le whisky coca. Sur le plancher. Pendant une semaine au moins, t'auras beau serpiller deux fois par jour, mais ça va coller au plancher. Confort indispensable. Comme s'il fallait rentrer un jour. Lily nous quitte. Good night. Oui, experience. Déterminisme. Domination imposée. Bagarre. Sur des douleurs pour faire du chantage. Pur chantage affectif. Chantage. Chantage au suicide. Avec ton arche, accepte-moi pour être sauf, pour être parmi ceux qui cela seulement seront sauvés. Comment on va se faire la sélection? C'est la question. Ah, for you, for me, for all the... humanity. New day, new life, new project. I know. Experiment. A lot of ideas. Try. Fail. Try again. Try again. Fail. Try again. Fail better. Thank you.